C'est Lionel sur Énergie, vous êtes en week-end. Energy Music Awards 2013. On est là, c'est la grande journée continue Energy Music Awards 2013. Depuis 9h, on squatte le yacht Energy Abyss Yachting avec les stars des Energy Music Awards et avec Amel Ben qui nous a retrouvés. Salut Amel. Salut. Alors, Amel, c'est l'année de la loose, j'ai l'impression. Oh non, tu peux pas dire l'année. C'est l'info de la journée, c'est voilà. Possible. Amel Ben s'est blessé au Energy Music Awards, mais raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, hier j'étais en train de répéter avec mes danseurs, tranquillou, avant la répète officielle sur le plateau, et à un moment donné je me suis mise accroupie et j'ai entendu un gros bruit, un gros claquage, et je pensais que, je sais pas, c'était pas grand-chose, et en fait j'ai une déchirure du quadriceps, donc j'ai la cuisse qui est toute bleue. Et le docteur il a dit quoi? Le docteur il a dit vous pouvez pas danser, vous pouvez pas faire votre show. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous rentrez chez vous, c'est 15 jours dans le lit. J'ai dit mais c'est impossible, donc j'ai dit dopez-moi, droguez-moi. Moi je danse, je m'en fous quoi. Donc là je suis sous corticoïde, je suis blindée de cachet, j'ai la jambe complètement bandée. Et ça va le faire, c'est très serré. La chorégraphie quand même, tu pourras. Bah, j'ai travaillé là pour l'instant, j'ai fait des répètes, on va dire à peu près. Ouais. Pour pas forcer, puis ce soir je donnerai tout. Je pense que ça va être l'après qui va être sympa. Mais c'est parce que t'enchaînes là en fait. Donc t'as déjà Danse avec les Stars. Il y a eu plusieurs Danse avec les Stars. Il y a eu Danse avec les Stars Noël. Oui. Il y a eu Los Angeles aussi. Raconte-nous, t'es allé à Los Angeles pour finir d'enregistrer mon album. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est les producteurs de Rihanna et Mariah Carey, c'est ça? Les compositeurs. Mais c'est incroyable. Les mélodistes, ouais, surtout. L'album il sort quand? Alors j'espère qu'il sortira printemps et avant l'été en tout cas. D'accord. Et après Les Enfoirés. Les Enfoirés que j'ai commencé à faire et que j'ai quitté le cœur. Malheureux, mais bon voilà, c'est pour la bonne cause, on est là pour l'Energy Music Awards. Et puis dimanche matin, je serai à nouveau sur le plateau, sur la scène de Bercy pour deux concerts dimanche et un concert lundi. Donc programme de Warrior pour Amel Ben qui est là ce soir, même malgré sa déchirure au quadriceps, elle sera sur la scène de l'Energy Music Awards. T'es nommée dans la catégorie artiste féminine francophone. Tu sais qu'il y a Camille qui est à La Rochelle qui dit je suis à fond avec toi. Je t'ai toujours soutenue parce que c'est vrai que 2006, 2008, 2010, 3 nominations, 0 trophée. Ouais. Ce soir, mais je sens qu'avec ce nouveau single qui s'appelle Ma Chance, ouais, je sens que ça va le faire. Non. Bah écoute, on verra. En tout cas, oui, si on a l'Award, toute la team Amel et toute ma famille et tout le monde, je sais qu'il y a plein de gens qui seront heureux pour moi. Et je serai la première à être heureuse pour moi aussi. Si on ne l'a pas, bah écoute, je pense que ma vraie victoire ce soir, c'est de réussir à dépasser cette blessure. Et puis, même s'il n'y avait pas eu la blessure, bah c'était l'objectif, c'était de faire un vrai show, danser, là, chanter pour la première fois de ma vie. Je t'ai vu tout à l'heure, le public, il est encore au taquet, il est toujours là, toujours présent. Toujours, ça fait bientôt 10 ans que ça dure, et voilà, ça c'est la victoire. Bon, je te présente Morgane, qui est aussi une fan de toi. Elle m'a dit, on a discuté un petit peu hors antenne. Vous avez papoté. C'est ça. T'avais un truc spécial à dire à Amel. Oui, bah Amel, j'aimerais bien savoir comment tu vas t'habiller ce soir. Ah bah c'est écoute. C'est la question qui revient tout le temps. Comment elle va se flinguer quoi. C'est bien une question de meuf, ça. Hein. Bah écoute, ça, moi j'ai choisi mes tenues en fonction de mon humeur du moment. Je pense pas que ça fera le buzz, et puis de manière, j'ai pas envie. Mais voilà, je sais que je vais me sentir bien dans ma peau. Mais dans ces cas-là, t'as des, je sais pas, t'as des créatrices qui t'envoient des robes, des trucs. Oui, j'ai travaillé avec à la fois des créateurs et à la fois j'ai une styliste qui s'appelle Donatella qui s'est occupée de moi, avec qui on a beaucoup discuté. Je lui ai dit ce dont j'avais envie. Je lui avais expliqué que j'avais fait déjà pas mal de tapis rouges et que j'avais essayé toutes sortes de choses, des choses plutôt amples, des choses plutôt sexy près du corps, des grandes robes à paillettes, etc. Même en termes de cheveux, j'ai déjà essayé plein de choses. Et puis là, je me suis dit voilà, j'ai juste envie de faire quelque chose de différent. Ni mieux ni, en tout cas j'espère pas moins bien que ce que j'ai fait avant, mais différent. Donc voilà, on a travaillé pour, on est content. Amel, tu sais ce que c'est ça? C'est une place pour les Energy Music Awards. Ah ben faut qu'on l'offre à... Exactement, à... je te laisse l'offrir à Morgane. Tiens Morgane, merci. Yes. Donc tu seras ce soir dans le Palais des Festivals pour la grande cérémonie à partir de 20h50 sur Energy et TF1. Je te remercie Amel d'être passé. Merci à toi, je suis désolée, je suis un petit peu foncedée à cause des cachets, je parle un peu au ralenti, mais bon, ce soir ça va être la force, la pêche. On te suit ce soir pour la cérémonie, on espère vraiment que tu vas l'avoir ce trophée. Et écoute, on croise les doigts. Allez. On te suit tout au long de l'année. Je sais qu'il y a un concert qui est annoncé à l'Olympia le 16 novembre. Déjà, ouais. Il y a un nouveau single Ma Chance et on suit l'album. Et toutes les autres dates vont bientôt être transmises sur mon site officiel. Tu sais qu'on t'aime beaucoup sur Energy, donc ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Moi je vous aime beaucoup aussi. Même pour l'Energy Music Awards. Merci beaucoup Amel. Merci, à bientôt, ce soir. Dans un instant, Alicia Keys ici sur le Yacht Energy. Dans un instant, la section d'assaut et tout de suite Will.i.am avec Britney Spears. Il est un peu plus de 15h et c'est le week-end. And you're listening to Energy.